Je voulais pas faire de vidéo aujourd'hui, c'est pour ça que j'avais fait un petit audio. Je vois que c'est mal interprété. Pourquoi? Parce que j'essaie d'être gentil, j'essaie de pas être trop précis par pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui seraient que j'aurais pas le choix de carrément référer à elles en disant aux gens, je perçois là-dedans une instrumentalisation de certaines peurs, de certaines angoisses pour vendre des formations, vendre des services. Donc, je vais être plus clair en essayant de rester gentil un peu. L'affaire, c'est que quand vous avez des dames dans certains milieux qui vous présentent Donald Trump comme l'antéchrist, elles utilisent un terme eschatologique très précis, avec qui s'inscrit dans un contexte eschatologique très précis. Elle pourrait user d'un autre langage plus technique pour parler jusqu'à un certain point de Trump, mais avec d'autres termes qui aboutiraient au fond si c'était réellement pour avertir d'un danger, qui ça serait plus plausible, ça serait plus cohérent que de le qualifier d'antéchrist, parce que au niveau de ce terme eschatologique-là, puis du contexte dans lequel il s'inscrit par rapport à l'eschatologie, c'est incohérent. Mais pourquoi ils utilisent ce terme-là? Parce que c'est un terme fort qui frappe l'imagination puis qui apporte de l'eau à leur moulin. Mon but, c'est de vous dire, autant quand il est totalement polarisé dans le positif, qui est montré comme un héros par rapport à des gens qui demandent des dons ou qui veulent engendrer des mouvements, je vous dis attention. C'est une sorte de stratégie de marketing ou de conditionnement, si on peut dire, possiblement. Mais c'est pareil exactement dans le contraire. C'est-à-dire que quand c'est surtout des dames, j'ai pas vu d'hommes beaucoup qualifier Trump d'antéchrist. Quand des dames, il y en a deux qui me viennent à l'esprit, qualifient clairement Trump comme l'antéchrist, c'est incohérent. Ou il y a une méconnaissance du terme, puis du contexte dans lequel il est né au niveau justement de l'eschatologie. Puis c'est des domaines jusqu'à un certain point qu'elles ignorent. Au fond, le terme est repris au sens de l'ésotérisme comme il était dans les années 70, 80, 90, qui n'a rien à voir avec la réelle signification de ce terme-là. Au pire, on pourrait le qualifier d'antichrist. Ça serait déjà plus cohérent. Moi, ce que je vous dis, c'est de faire attention parce que je vois des pièges là, ce qu'on pourrait dire une arnaque qui sert d'une arnaque qui sert d'une arnaque qui sert d'une arnaque pour vendre des formations, pour supposément être éveillé, puis faire face à des événements catastrophiques qui viendraient. Or, oui, c'est vrai que nous sommes dans une situation qui peut être inquiétante, mais ça fait des siècles que nous sommes dans une situation inquiétante. De tout temps, il y a des gens qui ont voulu exploiter les angoisses de la population, des masses, pour vendre des solutions à des problèmes qu'ils amplifient et qu'ils gardent selon des termes dans un certain flou. Donc, il y a quelqu'un aussi en commentaire qui a parfaitement compris qu'il dit on peut tirer son épingle du jeu. Entre autres, c'est de garder votre argent puis pas faire des formations inutiles avec des dames qui utilisent des termes complètement galvaudés, complètement sortis de leur contexte. Pourquoi? Parce que ça devient des arguments de vente. Puis que c'est juste fait pour frapper l'esprit puis l'imagination, dans le fond. Donald Trump, oui, c'est un eugéniste, mais c'est un QI moyen. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est né dans un milieu qui l'a avantagé jusqu'à un certain point, puis qui sert de sa vision de la génétique pour se montrer comme un être supérieur, un génie. Puis un génie va pas lui-même se présenter comme tel, c'est jamais comme ça. Mais d'un autre côté, le présenter comme un antéchrist, comme l'antéchrist, parce qu'il y en a un. Juste ça, techniquement, si on replace ça dans le contexte de ce que ce terme-là signifie, là, c'est exagéré, là, c'est n'importe quoi, là. C'est juste ça. C'est juste ça. Il n'y a pas de quoi. Je suis pas pour me mettre à pointer du doigt des personnes, dire ça, elle a dit ça, c'est une arnaqueuse. J'ai pas le droit de faire ça jusqu'à un certain point, dans le sens que à chaque fois que j'ai osé faire ça, ben ces gens-là se victimisent ils vont se victimiser, puis ils vont dire, ben, je subis de l'intimidation, des attaques, puis là, je me ramasse avec une armée de trolls qui viennent me faire des problèmes, même j'ai été hacké deux, trois fois, puis ben, je dis pas que c'est lié, là. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais je vais pas être porté nécessairement à me victimiser, au contraire. À chaque fois, ce que ça a fait, c'est que ça a amplifié ce qu'on pourrait appeler les aspects de continuer à appuyer de plus en plus, dans le sens que ça revient, ça me fait l'effet contraire. Mais il reste que je suis pas pour non plus agir de cette façon-là. J'essaie de prendre ça avec des pincettes, puis d'essayer de ménager, justement pour pas m'attirer non plus des problèmes par rapport à. Il reste, j'ai dit, ben vu que c'est très diversifié, on peut pas qualifier ce milieu-là de secte. Mais le fait est que c'est plein de petits groupes, puis que dedans, oui, il y a des dynamiques sectaires, oui, il y a des fanatiques, oui, ce sont des dames charismatiques. Donc, je fais attention parce qu'elles ont des armées d'adeptes, qu'ils ont dépensé leur argent dans des formations idiotes, puis au niveau d'une rationalisation, ils vont préférer me voir moi comme un ennemi plutôt que de réaliser leur erreur. Donc, c'est pas plus grave que ça, là. Hein? Bonne journée.